وأن المرء مع من أحب. ومحبة أعداء الله في الدين من أعظم ما يكون خطرا على المسلم، لأن محبتهم تستلزم موافقتهم واتباعهم، أو على الأقل عدم الإنكار عليهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب قوما فهو منهم. الشرط الثاني للإقامة في بلاد الكفار أن يتمكن من إظهار دينه، أن يتمكن المسلم من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع، فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات، وإن كان معه من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة، لا يمنع من الزكاة والصيام والحج والدعوة إلى الله وغير ذلك من شعائر الدين كالحجاب للنساء وغير ذلك. فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة لوجوب الهجرة حينئذ. وقال ابن قدامة في المغني في الكلام على أقسام الناس في الهجرة: أحدها من تجب عليه، وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار، فهذا تجب عليه الهجرة، لقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب، لأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتهى كلامه. وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام. القسم الأول أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه، فهذا نوع من الجهاد، فهي فرض كفاية على من قدر عليها، بشرط أن تتحقق الدعوة وأن لا يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة إليها، لأن الدعوة إلى الإسلام من واجبات الدين، وهي طريقة المرسلين، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه في كل زمان ومكان، فقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. القسم الثاني أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم عليه من فساد العقيدة وبطلان التعبد وانحلال الأخلاق وفوضوية السلوك، ليحذر الناس من الاغترار بهم، ويبين للمعجبين بهم حقيقة حالهم. وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيضا، لما يترتب عليها من التحذير من الكفر وأهله، المتضمن للترغيب في الإسلام وهديه، لأن فساد الكفر دليل على صلاح الإسلام كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. لكن لا بد من شرط يتحقق مراده بدون مفسدة أعظم منه، فإن لم يتحقق مراده بأن منع من نشر ما هم عليه والتحذير منه فلا فائدة من إقامته. القسم الثالث أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقتها مع دولة الكفر كموظف السفارات، فحكمها حكم ما أقام من أجله. فللملحق الثقافي مثلا يقيم ليرعى شؤون الطلبة ويراقبهم ويحملهم على التزام الدين على دين الإسلام وأخلاقه وآدابه، فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة ويندري بها شر كبير. فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة. القسم الرابع أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج، فتباح الإقامة بقدر الحاجة. وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جواز دخول بلاد الكفار للتجارة، وأثروا ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. القسم الخامس أن يقيم للدراسة، وهي من جنس ما قبلها، إقامة لحاجة لكنها أخطر منها وأشد فتكا بدين المقيم وأخلاقه، فإن الطالب يشعر بدنو مرتبته وعلو مرتبة معلميه، فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآرائهم وأفكارهم وسلوكهم، فيقلدهم إلا من شاء الله عصمته وهم قليل. وهذا القسم وجب التحفظ فيه أكثر مما قبله، فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين الأساسيين شروط. الشرط الأول أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي الذي يميز به بين النافع والضار وينظر به إلى المستقبل البعيد. فأما بعث الأحداث صغار السن وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على دينهم وخلقهم وسلوكهم، ثم هو خطر على أمتهم التي سيرجعون إليها وينفثون فيها من السموم التي نهلوها من أولئك الكفار، كما شهد ويشهد به الواقع. فإن كثيرا من أولئك المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به، رجعوا منحرفين عن ديانتهم وأخلاقهم وسلوكهم، وحصل عليهم وعلى مجتمعهم من الضرر في هذه الأمور ما هو معلوم مشاهد، وما مثل بعث هؤلاء إلا كمثل تقديم النعاج للكلاب الضارية. الشرط الثاني أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من التميز بين الحق والباطل، ومقارعة الباطل بالحق لئلا ينخدع بما هم عليه من الباطل فيظنه حقا أو يلتبس عليه أو يعجز عن دفعه فيبقى حيران أو يتبع الباطل. وفي الدعاء المأثور: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا في دينه فيضل. الشرط الثالث أن يكون عند الطالب دين، يعني تدين يحميه ويتحصن به من الكفر والفسوق، فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله، وذلك لقوة المهاجم وضعف المقاوم. فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية وكثيرة ومتنوعة، فإذا صادفت محلا ضعيف ضعيف المقاومة عملت عملها. الشرط الرابع أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله بأن يكون في تعلمه مصلحة للمسلمين، ولا يوجد له نظير في المدارس في مدارس بلادهم. فإن كان من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين، أو كان في بلاد الإسلامية من المدارس نظيرة لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر من أجله، لما في الإقامة من الخطر على الدين والأخلاق وإضاعة الأموال الكثيرة بدون فائدة. والقسم السادس أن يقيم للسكن، وهذا أخطر مما قبله وأعظم مما يترتب عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن مستلزم ملتزم بما تقتضيه الوطنية من مودة وموالاة وتكثير لسواد الكفار، ويتربى أهله بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم، وربما قلدوهم في العقيدة والتعبد. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، ولما؟ قال: لا تراءى نارهما. رواه أبو داود والترمذي. وكيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر، ويكون الحكم فيها لغير الله ورسوله، وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بآذانه ويرضى به، بل ينتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد المسلمين، مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهله وأولاده في دينهم وأخلاقهم. وهذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر، نسأل الله أن يكون موافقا للحق والصواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيرفيتور الله، préservez-vous d'Allah. Préservez-vous d'Allah et de son châtiment. Et préservez-vous d'un jour dans lequel vous serez tous debout devant Allah Azza wa Jal, votre Créateur, pour être jugés pour vos paroles et vos actions et votre croyance. Préparez-vous à ce jour en faisant des bonnes œuvres et en vous écartant des choses qu'il vous a interdites. Et sachez, serviteurs d'Allah, que nous sommes dans un mois béni, un mois qui vient de débuter, qui est le mois de Muharram. Et dans ce mois, il y a un événement qui s'est produit à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cet événement-là a changé le cours de l'histoire. Et cet événement, c'est la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la Mecque à Médine. Et beaucoup de musulmans, à chaque année, ils parlent de cet événement-là, comme d'un événement historique et il la raconte comme si c'était une histoire qu'on raconte, mais il n'en tire aucune leçon. Et certains d'entre les musulmans ont l'idée que c'est quelque chose qui a eu lieu dans le passé et que c'est une belle histoire à raconter, mais que son jugement ou son verdict ou son application s'est terminé à cette époque-là. Or, ça c'est tout à fait incorrect et c'est tout à fait faux. Puisque le jugement de la Hijra, qui est en passant une adoration dans l'islam, hein, et que même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que celui qui fait la Hijra, c'est comme celui qui a fait le Hajj, dans le sens qu'il revient comme si tous ses péchés qu'il avait faits lui sont pardonnés. C'est-à-dire que la Hijra, lorsque quelqu'un l'accomplit, ça efface tous ses péchés précédents. Et c'est donc une grande ibadah parmi les ibadat. Mais aujourd'hui, les musulmans l'ont mal compris ou bien parfois même ils l'ont inversé dans son sens. Parce qu'aujourd'hui, on utilise le terme hijra pour parler de l'immigration. Et donc, ils disent les musulmans qui font la hijra vers les pays de kufr, alors que le principe islamique de la hijra, c'est que le musulman qui est dans un pays de kufr quitte un pays de kufr et un pays de shirk pour aller vers un pays de l'islam, un pays musulman. Et ça, c'est pas quelque chose qui était obligatoire ou qui était recommandé uniquement à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est un jugement qui demeure valable et applicable jusqu'à la fin des temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit dans le hadith authentique, la tanqati'u at-tawba, la tanqati'u al-hijra hatta tanqati'u at-tawba, wa la tanqati'u at-tawba hatta taghrub ash-shamsu min maghribiha. C'est-à-dire que la hijra, son jugement reste valide jusqu'à ce que la porte de la repentance soit fermée. Et la porte de la repentance ne sera pas fermée jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. C'est-à-dire que le jugement de la hijra et son obligation ou son application reste valide dans la religion jusqu'à la fin des temps. Donc les ulama, ils ont mentionné dans les livres de fiqh, est-il permis pour le musulman d'aller vivre parmi les kuffars, parmi les juifs, parmi les chrétiens, parmi les athées, parmi les laïcs, parmi les communistes, parmi les ennemis de l'islam? Est-ce que c'est permis pour lui de quitter les musulmans et de sortir du pays musulman, là où il est entouré de ses frères qui croient en Allah et qui croient en la ilaha illallah et qui croient en Muhammadun Rasulullah? Et là où il entend le adhan 5 fois par jour, il quitte ça pour aller vivre dans une terre où il y a le kufr apparent, le shirk apparent, et où il y a les églises, les synagogues, et toutes les idées d'athéisme, et la négation de l'existence d'Allah, et la croyance en tout ce qui contredit les fondements de la foi islamique. Et de s'installer dans un pays où tout ce qui est haram en islam est ouvertement licite, est disponible et accessible pour tout le monde. L'alcool, le zina, la drogue, la pornographie et toutes les autres saletés, halal, ouvert, public. Est-ce qu'on a le droit, en tant que musulman, de faire ça? Et les ulama, ils ont répondu. Et cette question, c'est pas une question qui est apparue aujourd'hui. Les ulama du fiqh ont parlé de cette question-là depuis des siècles. Et lorsque les musulmans vivaient en Espagne à l'époque où l'Espagne était musulmane, l'Espagne était pendant 800 ans une terre d'islam. Et lorsque les musulmans ont perdu le pouvoir en Espagne, alors il restait certains musulmans qui étaient là-bas Et ils ont demandé la question aux ulama, est-ce qu'on a le droit de rester en Espagne alors que les musulmans ont perdu le pouvoir et qu'on va vivre en Espagne maintenant, mais on va être faible et humilié. Et les gens du shirk et du kufr, c'est eux qui auront le pouvoir. Et parfois, certains même étaient forcés de se convertir au christianisme pour rester. Sinon, ils étaient tués. Et les ulama ont clarifié le jugement à ce sujet-là. Et ils ont expliqué le hukum. Mais à notre époque, les ulama aussi ont parlé de ce sujet-là et ils ont établi que si un musulman vient pour vivre dans un pays non musulman, premièrement, c'est temporaire. Il ne doit pas avoir l'idée qu'il va s'y installer pour y demeurer pour indéfiniment. Il vient parce qu'il a quelque chose à faire spécifique. Et lorsqu'il a terminé, il retourne dans son pays. Mais ça nécessite quelques conditions. Et juste pour vous raconter une histoire, parce que je ne vais pas élaborer sur tous les détails, mais j'étais dans une rencontre il y a de cela plusieurs années, peut-être plus que 25 ans en arrière. Je me suis converti à l'islam il y a 30 ans maintenant. Alhamdoulillah. Et au début, j'étais allé dans une rencontre qui était organisée pour les jeunes musulmans. Par les musulmans d'un pays musulman en particulier, je ne vais pas mentionner lequel. Et le sujet, c'était la jeunesse musulmane. Et j'ai vu que les gens qui ont parlé dans cette rencontre n'ont pas mentionné rien de l'islam. Et ils mentionnaient le fait que parfois, quand des familles musulmanes avaient des problèmes avec leurs jeunes, ils étaient parfois mis dans des familles d'accueil. Des familles d'accueil, c'est-à-dire non musulmanes. Parce qu'ils avaient des problèmes à la maison. Alors, les parents des familles d'accueil les accueillaient. Et là, ils disaient, ces gens-là, ces musulmans-là, ils disaient, ça serait bien qu'il y ait des familles d'accueil musulmanes pour accueillir les enfants musulmans, les jeunes musulmans qui ont des problèmes avec leur famille. Et ils mentionnaient un paquet d'histoires et un paquet de problèmes et de choses. Alors, lorsqu'ils ont fini de parler, je leur ai posé, parce qu'ils ont dit, on ne veut pas parler de religion. Ils disent, on veut seulement vous expliquer les lois ici, comment ça fonctionne, et qu'est-ce que vous avez le droit, et qu'est-ce que vous n'avez pas le droit. Alors, je leur ai dit après, et j'étais jeune à l'époque, et je leur ai dit, le problème avec vous, c'est parce que vous êtes venus ici, dans ce pays, sans avoir étudié l'islam, et vous connaissez pas votre religion. Et beaucoup d'entre vous, la religion pour vous, c'est uniquement une culture, quelque chose de traditionnel. Et vous l'aviez dans votre pays parce que vous êtes dans ce contexte culturel et social. Maintenant que vous arrivez dans un nouveau contexte, mais que vous n'avez pas votre religion basée sur une conviction solide et sur une connaissance profonde des fondements de l'islam, alors vous n'êtes pas capable d'inculquer à vos enfants cette aqida, cette croyance, cette religion avec conviction. Pourquoi? Parce que le milieu culturel, il n'est plus là. Et par conséquent, ces enfants-là, quand ils arrivent au primaire, au secondaire, ils veulent que imiter leurs copains, leurs amis à l'école, et ils s'égarent de l'islam. Et vous n'avez pas la connaissance nécessaire pour être capable de leur transmettre cette religion-là. Et c'est pour ça que les ulama, ils ont mentionné que une des conditions pour lesquelles, ou avec laquelle, un musulman peut venir dans un pays non musulman, la première condition, c'est d'avoir une science suffisante de la science islamique pour être capable de se préserver des shubuhat, des ambiguïtés et des doutes que les gens du kufr et les gens du shirk vont propager à leurs enfants et à eux-mêmes. Et une autre condition qu'ils ont mentionnée aussi, c'est que le musulman ait un niveau de religiosité et de piété qui est suffisamment grande pour le préserver des tentations et des désirs et des choses illicites. Et si quelqu'un n'a pas ces deux conditions-là et qu'il vient s'installer dans ces pays-là, eh bien c'est certain qu'il va fondre dans la masse et qu'il va s'égarer comme les gens se sont égarés. Et c'est ce qu'on constate à l'heure actuelle. Parce que les gens disent aujourd'hui, Jumu'ah, les mosquées sont pleines. Mais est-ce que, si on regarde la proportion de musulmans, si elles sont pleines, et que ceux qui viennent à la mosquée parmi les musulmans sont peut-être même pas 10% de la masse des musulmans, alors qu'est-ce qui arriverait si 50% des musulmans décidaient de venir à la mosquée? Est-ce qu'il y aurait suffisamment de mosquées? Est-ce qu'il y aurait suffisamment de places? Bien sûr que non. Mais ça, c'est pour vous dire, pour vous donner un exemple, que la grande majorité des musulmans, malheureusement, qui vivent dans ces pays-là, ne pratiquent pas. Sans oublier que même des fois dans leur pays d'origine, les pays musulmans, beaucoup d'entre les musulmans ont négligé l'islam. Et lorsqu'ils viennent ici, ils viennent pas avec l'idée ou l'intention de faire la da'wah à l'islam et d'inviter les kuffars et les mushrikines à l'islam pour qu'ils se convertissent, pour sauver leur âme au jour de la résurrection. Non, c'est pas ça leur intention. Lorsqu'ils viennent ici, ils viennent uniquement du point de vue matérialiste, uniquement pour augmenter leur portefeuille ou ramasser de l'argent. Et certains disent, si je viens, je vais sécuriser l'avenir de mes enfants, soi-disant, avec l'éducation qu'il y a ici. Alors qu'ils savent même pas s'ils vont être capables, justement, de terminer ces études-là. Et qu'une fois qu'ils les ont terminées, qu'est-ce qui va arriver d'eux? Seul Allah le sait. Mais tout ça pour nous dire qu'il est important pour nous de se rappeler que la hijra, c'est pas juste quelque chose de symbolique. C'est quelque chose de concret. C'est quelque chose de réel. Et que le musulman qui est ici, il devrait garder toujours dans son cœur l'intention de retourner dans son pays musulman. Et s'il est converti et qu'il est né ici, comme c'est le cas de ma personne et de d'autres comme moi, eh bien, eux aussi devraient envisager de quitter ces pays pour aller vivre parmi ses frères en islam dans les pays musulmans. Et regardez tous les problèmes que les musulmans ont dans ces pays-là ici, et en France, et ailleurs en Europe. Et regardez la situation actuelle, comment ça devient de plus en plus compliqué. Et vous allez voir que la seule solution à long terme, si le musulman veut préserver sa foi et sa religion, c'est qu'il envisage de faire la hijra pour retourner dans les pays de l'islam. Mais pas seulement pour dire, je vais vivre parmi les musulmans et ça s'arrête là, non. Mais s'il retourne dans les pays musulmans, qu'il retourne avec le cœur et avec l'intention de savoir qu'il a un rôle à jouer dans son pays pour faire revivre l'islam, pour réveiller ses frères et ses sœurs en islam qui ont négligé ou oublié une partie de leur religion, et de leur ordonner le bien et de leur interdire le mal et de les appeler au droit chemin. Pas seulement de retourner puis de vivre comme les gens, parce que beaucoup de gens malheureusement vivent dans l'insouciance et dans l'indifférence. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم